À l'huile. Ah ben voilà, c'est qu'on super bien, on fait des blagues. Ouais. C'est Pyongyang Steel Rockers numéro 383, 383, ce soir, deux habituels seulement, ouais. Mon cher grand leader Jamo, comment allez-vous? Ça va et toi mon cher grand leader Stéphane? Bah écoute, ça va aussi, puisque ce soir, nous avons des invités de marque, en les personnes de deux membres du groupe Misère. Bonsoir messieurs. Bah attends, mais faudrait que je monte vos micros aussi, sinon ça va pas aller. Ah, celui-là il va pas. Si c'est bon, ouais. On est bon? T'as vu, je vous prends au débeauté. Hein. Ouais, t'as dit, on commence pas tout de suite, mais on commence tout de suite. Hein. Juste pour que vous disiez bonjour. Voilà, et puis on a aussi votre producteur véreux qui est venu. Il est plus rougeau que véreux aujourd'hui. Tu sais, l'un n'exclut pas l'autre. Et s'il fait le tour, il pourra aussi se mettre à un micro pour dire bonjour aux gens. Mais c'est seulement s'il veut. Parce que tu sais, Greg, il fait tout ce qu'il veut. Hein. Bah ouais, et époque des trucs intéressants. Ah, mais non, mais Eastern Trade, on va le passer tout à l'heure, c'est bon. Et donc voilà, vous êtes venu pour présenter votre nouveau EP, nouvel EP qui sort chez Uproar for Veneration. Tiens, ça y est, le v'là, Uproar. Coucou. Oui, c'est lui, voilà, vous l'avez reconnu, c'est Greg Smets, monsieur UFV. On va discuter de ça d'ici, et puis passer de la musique bien sûr, d'ici 15-20 minutes. Parce que pour l'instant, il faut quand même faire quelques annonces de concerts, vu que ce week-end qui commence demain et qui finit lundi s'annonce extrêmement studieux en termes de en termes de concerts punk et autour. On va dire, à la fois ici du côté de Lille et puis de l'autre côté de la frontière, mais bah, c'est la même métropole et puis là, c'est tout n'est pas. Pour l'instant, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, sauf que ça parle de ce qui se passe actuellement. Le commerce, le business de la par Pelonli Ketoiminta, par des Finlandais d'il y a déjà 20 ans, Kulkopian Sukuputo. Tu te rappelles de ça, Greg, non? Bon, il est chiant comme mec. Les voici. J'ai des rides, ça se voit. Un petit peu de finish hardcore pour commencer. Boum. Ouais, ça gueule fort quand même, hein. Je remarque, hein, nous remarquons. Des concerts, il y en a foultitude ce week-end, qui commence demain soir à tourner au Watermoulin. Il y aura Funk Police, ils viennent de Metz, ils font de l'art punk, mais il y aura surtout le Leipzigois, je sais pas si ça se dit, un mec de Leipzig, mais c'est un Italien. Il s'appelle Theo Wise et il fait du lo-fi spaghetti synth rock'n'roll. Ouais, c'est ça. C'est mes origines. Ça sera au Watermoulin, vous connaissez, là, juste à côté de la gare de Tournai. On va écouter tout de suite Theo Wise avec In Cool. Je ne vous fais pas la traduction, vous avez compris. Oui. Su misura per te che ne sai, sei di quanto dura, nei denti la cintura, accetta, pagato per seconda diventa. Che cazzo diventa? Ça y est, il rigole, il est fou. C'est bon, hein, t'as mis, ton micro est branché là, donc si tu veux, tu peux rire dedans, mais pas trop fort quand même. Si tu ris, tu t'éloignes, sinon ça sature. J'en passe des meilleurs, il va y avoir plein de trucs ce vendredi. Je ne les annonce pas, vous pouvez les retrouver sur spunk.org, le meilleur site d'agenda de la région et donc du monde. Et puis sinon, merci. Hein. Et puis sinon, on passe directement à samedi où il y aura quelque chose d'absolument incroyable. Il y aura la release partie de Misère. Avec leur nouveau EP, nouvelle EP, c'est votre deuxième. Ouais, c'est voilà. Le deuxième truc, mais le premier vrai physique en fait. D'accord, ah ouais, donc c'est lui que vous avez trouvé pour. c'est le seul qu'on a. C'est le pigeon que vous avez trouvé pour. Il y aura aussi donc Phantom Josepha et Eastern Thread. Je passe pas de Phantom Josepha ni de Eastern Thread tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Je passe directement à un autre concert qui va avoir lieu ce samedi, ça sera au Centre culturel libertaire à deux pas de la griffe où vous allez jouer. Il y aura une autre release party qui aurait pu avoir lieu en même temps. Ouais. Mais ça aurait été bien. Ouais. On manque de grandes salles en fait. Hein. Mmh. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Le release party de Jodie Foster. Ça y est, je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que je l'ai foutu ? Release party de Jodie Foster. C'est quoi leur deuxième, troisième album ? Deuxième. Mmh. Ouais, avec aussi les Belges de Etze. J'ai pris le t-shirt. Les Cambrésières de False et puis les Boulonnais, je crois, de Tragic Johnson. Connaissez ? Bah, on a prévu un petit week-end avec eux en septembre. D'accord. Ah, c'est bien. Bah, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, tiens. Ça sera au CCL à partir de 20h pour un prix libre. Et puis, on pourra écouter deux titres pour maintenant, vu qu'ils jouent des trucs très, très courts. Tous, sauf peut-être Tragic Johnson. Donc, voici Jodie Foster avec Sorga. C'est à la gloire de style dont vous voyez le nom partout quand vous prenez l'autoroute. Ou alors n'importe où, quoi. Bref. T'as quoi ? Sorga, tu connais ? Hein ? Ben voilà. Donc, premier titre, c'est Jodie Foster avec Sorga. Le deuxième titre, c'est Heads avec Troublemaker. Thank you. Voilà, ça c'était Etze. On continue encore plein de concerts ce samedi et puis il y aura encore plein de trucs dimanche. Ça va être l'apothéose vu que non seulement il y aura du hardcore, la Brad Kev, Peace of Mind, Everything Ends, Sickeners, What to Wall et Junkyard qui a un nouveau groupe qui fait du mosh metal. Tu savais que ça existait encore le mosh metal Dis-le. Je suis étonné. Ouais, voilà. Et donc sinon, à Ypres, non, d'abord à Courtrai, il y aura Golden Cheaters, c'est des Australiens, non, des Canadiens, pardon. Et puis un groupe de gang qui s'appelle le Burger Service, bon, qui fait des trucs un petit peu la Dylan municipale, Burger Service. Je te le recommande, vu que t'aimes bien Dylan. Et puis donc ça sera au Pizza Courtrai. On va écouter Golden Cheaters tout de suite avec Destructor. Il va picoler. C'était donc Golden Jitters qui passeront à Courtrai. Et puis à peu près au même moment, oui, carrément au même moment, au Wortenwies à Ypres, les Italiens de Dirtiest qui font le même genre de choses, vous allez entendre juste après. Ils seront avec No Time to Explain et Blisters. Ça sera au Wortenwies à partir de 17h. Voici donc The Dirtiest avec Quando c'era lui. Ça parle de l'époque pas forcément bénie où c'était Mussolini à la tête de l'Italie. Et ils disent que maintenant, allemand, c'est à peu près la même chose. C'est marrant, hein, dans tous les pays européens, on dit la même chose. Bref, Dirtiest, Quando c'è la lui. Et 18 minutes à l'antenne de Campus en 6,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 383. On fait encore très rapidement la fin de ce tour express de pas tous les concerts qui vont avoir lieu ce week-end. Et puis après ça, on entamera l'interview de Misère et de Uproar for Veneration. Pour l'instant, encore un truc, ça va être très compliqué de choisir un endroit où aller ce dimanche, vu que au centre culturel libertaire. Attends, j'ai pas mis ton micro. Ah ouais. Au centre culturel libertaire, il y aura les très anciens. Un chilien et très excellent chilien de Fiscales Ad Hoc. C'est un des premiers groupes punk du Chili. Ils se jouent encore. Je crois qu'ils n'ont même pas arrêté jamais, quoi, pour dire. Hein. Ils ont commencé. C'était encore à moitié la dictature. Là. Ah, y aura aussi une nana de Berlin qui fait du drum and voice qui s'appelle Teresa Riemann. Et puis sinon, il y aura les Chiliens de Lille, Cabro Chico, qu'on a déjà passé moult fois ici. Et puis il y aura Bath Lost, aussi un groupe qui est lié à Cabro Chico, qui fait de la synthwave. Ça sera ce dimanche au Centre culturel libertaire à partir de 20h. Et voici donc Fiscales Ad Hoc avec La Mancha del Jaguar. J'ai carrément oublié de passer un titre d'un groupe qui va passer samedi à Dunkerque au DND Bar, anciennement le Belnard. C'est Zoukrot, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un groupe de Seattle qui fait du dance punk. Les voilà tout de suite. Enfin, ce sera peut-être pas tout parce que là, quand même, chez Gars de Misère, ils s'impatientent et puis ils ont fini leur bière, donc on va devoir leur servir une nouvelle. Alors, comme ça, vous serez bien à point là. Mais pour l'instant, voici Zoukrot qui vont qui passeront samedi à Dunkerque au DND Bar. On les écoute dans Chew Tobacco, Spit. Ça y est, là, ce que vous entendez, c'est Misère, c'est un extrait de leur... c'est votre démo, ça. C'était le premier truc qu'on a sorti au tout début, on a existé, ouais. Donc on a sorti trois titres gratos comme ça sur... sur les plateformes internet. Même sur Bandcamp, c'est pour ça que j'ai réussi à les récupérer. Mais ça peut sortir un peu partout ailleurs. Je pense même qu'il y a des gens qui l'ont remis sur YouTube après, ou peut-être même vous. Alors YouTube, on a mis, on a clippé un des morceaux. Ben, celui-là, on l'a clippé. Green to Grey. On avait fait ça pendant le confinement, chacun chez soi avec une caméra téléphone, et puis on a fait un montage, machin. C'est grave. C'est nul. Ouais, mais au moins mais ça permettait de montrer qu'on existait et voilà, qu'on n'était pas encore tous morts. C'est ça, exactement. c'était trois petites. Donc c'est sorti en 2021, ça ? Non, c'est plus 2020, je crois. 2020 de mémoire. Oh, bah, du fin 2020, je pense. C'est plus 2020, c'est plus vraiment à la période Covid. Ouais, ouais, donc, premier confinement. C'est que le Covid n'est pas fini. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je veux dire, il y a encore des gens qui peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont des Covid longs ou alors parce qu'ils ont des maladies qui sont très très impactées par le. Je dis impactées, c'est pas beau comme mot, mais bon, vous avez compris qu'ils sont. Ils peuvent se manger un Covid encore en sortant dans le métro ou dans le bus, quoi. Et donc voilà, quoi. Bref, nous, on a réussi à s'en sortir. Quelle santé de fer. Enfin, sauf Greg, là-bas, il nous regarde, il est tout rouge, là. Il... voilà. Et donc, après ces trois titres, les cinq titres-là, il y a eu autre chose entre deux ? Non, il n'y a rien eu. Ouais. On avait joué. Après, on a eu pas mal de petits, de petites pauses, en fait. Surtout à cause de Zigoto à côté de moi. Alors, le Zigoto, je ne sais plus si on a dit nos noms, vos noms, vos prénoms. Ah, ouais, mais c'est pas très grave. Kevin. Ouais. Salut Kevin. Et Teddy. Salut Teddy. Et on est cousins aussi. Vraiment cousins. Et ouais. Du 62, donc on est aussi mari et femme. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Et père et fils aussi, non ? C'est ça. Okay, ça va. Mais tu sais, il y a des coins du Nord où c'est comme ça aussi. Hein, donc, je suis pas étonné. Hein. Bon. Et donc, oui, donc vous connaissez depuis longtemps et vous rêviez depuis longtemps de faire de la musique ensemble. Bon, on se connaît depuis toujours, un peu lui et moi, pour le coup. J'avoue. C'est curieux. Je l'ai vu tout nu, hein. Donc, et pas, sans être saoul, tu vois. T'as pas eu trop peur, c'est bon. Non. Okay. Et donc il y en a quand même trois autres. C'est un groupe de cinq personnes. Ouais, ouais, c'est ça, on est cinq. Donc vous pourriez dire un petit peu le pédigré, parce qu'il y a quand même du lourd dans Misère. Il y a des gens qui ont été dans pas mal de groupes avant, ouais, ou qui sont encore dans pas mal de groupes actuellement. Ouais. Allez, ouais, vas-y, alors, sors. On a Virgile à la batterie. Virgile qui est actuellement dans Lumberjack Feedback. Ah bah quand même. Et qui a, qui a joué aussi dans Morse. Ça c'était bien. C'était vachement cool. Très très très cool. Il a joué aussi dans Cayman Kings, de mémoire. Puis il avait plein d'autres trucs, mais je saurais pas tout citer parce que le mec il a un truc long comme mon bras. Palmarès. Voilà, exactement. Béranger. Qui est à la guitare, qui a joué dans John Rattray, qui a joué avec moi à une époque dans The Binary Method. On faisait du deathcore, mais c'était en 2007-2008, tu vois, donc ça. Non, c'était encore permis à l'époque. C'était encore permis de faire ça, ouais. Non, il y en a encore plein qui font du death. Ouais. Mais maintenant, ils mettent hardcore dessus. C'est bon, ça passe. C'est ça. Mais c'est quand même du deathcore. Après, il a eu d'autres trucs aussi. Moi, je ne saurais pas tout. Il a fait pas mal de trucs, surtout dans le sud de la France. Lui, il est de là-bas à la base. Il y a un accent, Bordeaux. Il l'a plus. Bon, ça va, c'est bien. Il y a un petit peu, quand son daron remonte, tu sens que voilà, il y a le petit quand, truc. Ou quand on l'énerve, non ? Non, ça va encore. Oui, c'est difficilement à énerver. Hein. C'est une crème, hein. Béranger, c'est... Okay. Pour ça, là-dessus, on a quand même des bons gars. Hein. On n'a pas des méchants. T'en as d'autres, dis deux, là, il en reste un. Ouais, Charles, qui jouait aussi dans John Rattray. Okay. John Rattray, qui est après devenu Brightest Outlook, mais c'était un peu le même line-up. Mais ça n'existe plus, John Rattray ? Non, ça n'existe plus, non. Ok, et vous deux ? Parce que tu dis les autres, tu parles des absents, mais... Hein, ouais, maintenant, bah, vas-y, Kevin. moi, je suis le gratteux, du coup, et jouer dans Rain, c'était un petit projet de post-rock, mais après... J'ai pas fait grand chose, beaucoup d'expérimentation à côté. Metal, non. Non, mais en fait, je suis le seul du groupe qui vient pas de ce milieu-là. D'accord. Je viens plutôt du noise, du post-rock, des trucs plus calmes aussi. Avec quand même un rapport toujours avec le punk dans la généalogie. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi, avant, je faisais partie du coup de Binary Method en deathcore. J'ai eu The Ape King, ah d'accord. J'étais le premier chanteur de The Ape King. C'est là que je t'ai vu. Ah bah peut-être, ouais, sûrement. Je me disais. The Ape King, et puis après, on avait monté un truc un peu Black Ned hardcore qui s'appelait Truffle Shuffle, qui est après devenu TRSH, plus court. qui s'est arrêté, je crois, 2019 ou un truc comme ça. Ouais. Une fois que t'es parti, ils ont pas... Non, non, mais on a tous arrêté, en fait. Okay. Et voilà. Et donc, Misère existe depuis 2020. 2019-2020, ouais, de mémoire. Ouais, et là, vous êtes pris donc le Covid sur la gueule, vous avez quand même réussi à faire des trucs. On avait quand même réussi à bosser un petit peu avant le Covid, ouais, donc ça doit être, c'est ça, ça doit être, je pense, septembre 2019, on avait commencé à bosser. On a été super proactif à cette époque-là au début, ce qui nous a permis de sortir ouais, quelques titres rapidos. Et à la fin du Covid, on a vite enchaîné les petites dates par-ci par-là, quoi. On ne s'est jamais trop exporté, mais quelques petites dates par-ci par-là. D'accord. Oui, et je me souviens d'une date en particulier qui a été déplacée, enfin, qui a été changée trois fois, il me semble. Vous deviez jouer à Bayeul au Bellenard, puis ça s'est déplacé ailleurs. Ouais, et puis après, ça a changé de date. Enfin, c'était un bordel. Ouais, il y avait le Bellenard à Dunkerque où il y avait eu ce problème-là. Ouais, c'est ça, Dunkerque. Parce qu'après, c'était le carnaval et je sais plus quoi, machin, nanan. Et en fait, on s'est retrouvé. La date, elle avait été déplacée, mais je crois totalement à l'arrache. On s'est retrouvé devant quatre pélos. Ça, c'est bien, hein, c'est formateur. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Bon, le mec, il nous a rincé, il était adorable. Hein, mais. On croyait plus que ça. Bon, ouais. Se faire la route pour quatre personnes, ouais, c'était un peu. Okay. Et donc, vous avez survécu à, tout, à ouais, tous ces, ouais, ouais. toutes ces anecdotes. Et on devait jouer justement avec un autre groupe. Alors, je ne sais plus le nom de ce groupe-là. Oh, c'est pareil, les mecs, ils ont dû annuler aussi. Donc, on s'est retrouvé qu'à un seul groupe sur la date. OK. Parce que les mecs ont chopé le Covid, quoi. Oh putain, ouais, bah tu vois, comme quoi. Ouais, ouais. ouais. Donc, vous avez quand même réussi à survivre à tout ça. Il y a eu d'autres petites avanies, comme par exemple le départ d'un des musiciens à Paris, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, en fait, non, si tu veux, Kevin, il nous a fait une première fois. Bon, les mecs, je me casse 6 mois en Asie. Oh bah, il y a le droit. Ouais. Vacances. Grosse vacances, ça va. En rentrant d'Asie, il se pose 3-4 mois, on a le temps de bosser un petit peu, puis il fait bah, « En fait, ma meuf, elle bouge à Paris, donc on va déménager à Paris, mais je vais continuer de répéter. » Mais en fait, c'était un peu plus compliqué quand même, très honnêtement. Bah, faut gruger le TGV, c'est facile. C'est ça. Et il est revenu de Paris, mais il fait « Bon, bah, en fait, je vais, avant de revenir, de me poser vraiment, je vais retourner 4 mois en Asie. » On l'aime bien, on n'a pas voulu le changer. C'est quel pays ? J'ai fait l'Indonésie pendant 4 mois, là, il y a quelques mois, et puis après, plusieurs pays d'Asie. T'es pas resté ? C'est super, l'Indonésie, pour le punk, le hardcore et tout ça, il y a plein de trucs. Ouais, bah, en fait, il y a une grosse scène, mais elle n'est pas facile à trouver quand on ne fait pas partie des locaux. Ok, d'accord. Du coup, faut creuser, quoi. Okay. On allait quand même dans des endroits pas non plus, comment dire, pas des grosses baraques ou quoi, mais... trouver vraiment la scène hardcore. Okay. Et t'es quand possible. Même revenu, t'as préféré revenir à Lille. Ouais, pour Misère. pour Misère. Et du coup, vous avez accouché de 5 titres là, ouais, qui vont être présentés samedi. Bon, entre temps, on a quand même changé de batteur. Virgile, il nous a rejoint, c'est la dernière pièce du puzzle. Il nous a rejoint quand t'es rentré d'Asie la première fois, je crois, de mémoire. Ouais. Donc j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'était... Ouais, 2022 que t'es rentré. C'est sûr. 2023. Ouais, mettez-vous d'accord. 2023. Le premier voyage, c'était 2023. Bref. On avait fait la première date qu'on a fait avec lui, ça faisait genre 2 mois qu'il était là. On a fait le Black Lab avec lui. Ok. Avec comment il s'appelait ce mec-là? C'était assez cool. C'était l'un des gars des Brian Johnson. Ouais, c'est ça. Un des gars des Brian Johnson Massacre. Massacre. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais, cool. Et donc là, vous avez, on va vite passer de l'Asie quand même. Hein. Ouais, parce que la semaine dernière, en fin d'émission, j'ai passé le début de Flowers. Ouais. On a parlé dessus, donc les gens n'ont pas entendu. Mm-hmm. En plus de ça, c'est le titre qui est clippé, il me semble. Ouais, tout à voilà. fait. Ouais. C'est donc un des titres que vous allez présenter samedi à la Griffe. Exactement. Ouais. Et puis on pourrait peut-être l'écouter dès maintenant. Puis après, on parlera de comment ça s'est fait, ouais. cette réalisation carrément, de ces 5 titres. Voilà. Et puis le rôle que joue Monsieur UFV là-dedans. Bon, là, ça va aussi avec Flowers qu'on peut retrouver aussi sur donc non seulement sur votre non pas encore sur votre Bandcamp bientôt Bandcamp je crois qu'on l'a un peu mis de côté hein. C'est Virgile qui a pris un peu la main sur okay. le truc donc on est plus sur les grosses plateformes et qui se retrouve déjà sur YouTube Spotify et Deezer aussi ouais, Spotify Deezer ouais faut être abonné hein. ouais. bon moi j'ai coupé tous ces trucs là j'ai coupé bref voici Misère avec Flowers. We'll be right back. Écoutez Pyongyang City Rockers numéro 383 sur, sur Campus 106,6. Il est 20h40. Nous sommes en interview avec ces gens de misère, enfin ceux qui ont bien voulu se déplacer. Les autres, je les remercie pas, hein, je vous le dis. Ce qu'on vient d'entendre, donc, c'est le premier titre de votre EP 5 titres qui va sortir samedi. C'est ça. Flowers, par rapport à celui qu'on a écouté juste avant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quand même beaucoup moins brut, je trouve. C'est plus abouti, c'est plus travaillé, ouais. Ouais. Bah, on va dire qu'en gros, l'arrivée de Virgil, ça a été un côté plus pointilleux. En fait, tu vois, c'est vraiment... Il a un souci du détail qui est impressionnant, vraiment. C'est-à-dire et, voilà, faire les prises 10 fois. Bah, il y a de ça. Là, on a aussi travaillé en mode pré-prod. On s'est enregistré en pré-prod. Pour venir avec voir l'ingé son. En fait, on a enregistré avec JC Caron. Donc, on est venu avec déjà un truc où on avait déjà l'idée de ce qu'on voulait, quoi. Pour que lui, il sache le rendu qu'on veut. Et du coup, ouais, c'est plus abouti. Il y a beaucoup plus de travail. Ok. Ouais. Et donc, ça tranche par rapport à vos habitudes de travail, les autres? Ou alors... Bah non, mais avant, on était un peu plus en mode branleur, hein, clairement. Des vrais punks. On aimait bien ce qu'on faisait, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté tatillon sur le moindre détail. Et ça nous fait beaucoup de bien, hein, ce petit coup de pied au cul nous fait beaucoup de bien. D'accord. Ouais. Et donc, ça s'entend aussi en live comment vous répétez beaucoup, au fait? Alors, pas beaucoup, parce qu'on a tous des gamins en mode garde alternée et tout, donc c'est un peu compliqué. Et ouais. Donc, on répète toutes les 2 semaines. Oh, putain, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas tellement, hein, c'est... mais au final, si les répètes sont proactives, c'est cool, quoi. Ça veut dire quoi, proactif? Ça veut dire que vous avez des devoirs à faire à la maison? C'est ça. Vas-y, explique un peu, là. Non, non, mais c'est ça, il y a un peu de travail à la maison aussi, pour justement pallier au fait qu'on puisse répéter que tous les 15 jours. Ouais, et donc les 5 titres là qu'il y a sur ce nouvel EP, vous avez mis combien de temps à les caler? Oula, bah, un petit Oula. Moment, parce que du coup, comme Kevin, il est parti sur cette période-là à Paris, ouais. Et après en Asie, donc ouais, ça a presque mis un an en fait à vraiment être... 5 titres, un an. Ouais. Bon. À peu près, ouais. Un album 2 ans. Ouais, ça va être ça. C'est, hein. c'est comme les Beatles à la fin de leur vie, quoi. C'est ça, ça va être ça. Ça va être ça. Avec moins de cheveux. Non mais c'est bien, eux non plus ils n'en ont pas beaucoup, voilà. Et donc, à un moment vous vous êtes demandé si vous alliez continuer à faire de l'autoproduction ou pas, ou alors vous avez tout de suite cherché après un gros label. Non, c'était pas le but, mais on connaissait Greg parce qu'il gravitait un peu dans notre cercle, bah, le café disquaire, tout ça. Il nous a déjà vu une paire de fois et il nous a très souvent dit, bah, les mecs, si un jour on a l'occasion de bosser ensemble, on va bosser ensemble. Et puis voilà, là, quand on a eu le truc à sortir, on est allé le voir et puis il a dit, bon, on va aller chercher un truc à boire et puis on va en parler. C'est important. Hein, le storytelling. Comme d'habitude. Un vicieux. Ben non, ben quoi. Mais si j'aime bien boire un coup, regarde là tout à l'heure, on était autour d'une bonne jupille. Enfin, bon. Voilà, et donc ça a mis longtemps à se concrétiser cette coopération. Non, pas trop, je dirais. En fait, quand je les ai vus plusieurs fois en concert, et. T'as de la chance, moi j'ai réussi à les rater à chaque fois. Je retire le casque, ça m'énerve. Mais. Ouais, en fait, on se connaît depuis un bon moment. Ouais. Et en fait, quand ils ont fait écouter les morceaux et puis qu'ils ont joué, et bah, comme d'habitude, moi, c'est plutôt en premier, quand j'ai sorti des groupes de son label, c'est toujours humainement, en fait, déjà. Et en plus, on s'entend bien, déjà. Et oui. Déjà, très humainement. Il se fout de ta gueule là, pendant que tu parles. Mais non, c'est vrai. Mais non, on s'entend. Ben, on s'est toujours entendu humainement. Et c'est vrai que quand je les ai vus en concert, et je me suis dit, waouh, ils ont. Un gros potentiel, et je trouve que c'est vraiment un groupe qui peut être qui peuvent dépasser même plein de groupes, d'accord. Et pour moi, Misère, c'est ouais, je pourtant je suis un micro label, mais je pense que ils peuvent aller beaucoup plus loin que d'être chez moi. Ok, bah on verra ça pour la prochaine sortie alors. Celle en 2025. Oui, dans 10 ans. D'accord, ça va. Bah, ça dépend, t'as prévu des vacances. Oui, t'as prévu de partir où, en Amérique du Sud là. Non, mais je... Ouais. Mais non, mais... En tout cas, je suis très fier de sortir... le repérer sur mon label, mais s'ils veulent partir après, il n'y a pas de problème. S'ils ont. Ils sont déjà dehors, le mec. Ouais, mais non Mais t'es fou, il y a l'extincteur derrière toi. Non, on n'en parle pas d'extincteur pour l'instant. Je propose, vu qu'il est 20h46, de passer encore un petit titre, si on peut. Hein. Alors, c'est pas une exclusivité, vu que c'est déjà passé dans une autre radio. Ouais. Pas française, mais belge. C'est passé sur RQC dans Snipe dimanche dernier. Mais bon, on va quand même passer. On va essayer de passer encore deux titres de Misère, de ce nouveau 5 titres. Et puis, les deux autres titres, vous déplacerez à la griffe ce samedi pour les écouter. Ouais. Pour l'instant, on écoute quoi? Dogs, Butterflies, Thirst, to be a Hole. Écoute, fais-toi plaisir. Je les ai écoutés tout à l'heure, mais je vais passer le moins long. Dog. Ça parle de quoi? Doglish, c'est un peu la soumission à l'autre, en fait, dans une... J'ai mal retranscrit le titre en plus, c'est Doglish, exactement. D'accord, ouais. Okay, c'est la laisse. C'est ça. Tu te sens en laisse? Dans ta vie personnelle, professionnelle C'est pas que de la vie personnelle. Il y a professionnel aussi, pas que de l'expérience. Ouais. Mais professionnel, mais je ne sais pas si mon patron m'écoute. Mais peut-être. C'est le moment de demander une petite augmentation. C'est ça. Ouais. Hey, je passe à la radio, moi je suis célèbre. Doglish par Misère sur leur nouveau EP. Ça y est, c'était fini, c'était Misère avec Doglish sur votre album que vous allez présenter et jouer ce samedi à La Griffe. Vous serez en compagnie de Eastern Thread et Phantom Josepha. La Griffe, c'est 37 rue des Postes. Ça commence à 20h. Et c'est gratuit ? Non, c'est 5 euros l'entrée. C'est ça, 5 euros. C'est marqué. Ouais. Bon, en fait, c'était surtout histoire de défrayer Fantôme Josepha. Ouais, qui viennent de loin, ouais, de la Meuse. Ah, Metz, hein. Ouais. Oh, j'aurais dû juste dire. Mais alors, je sais pas si tu connais, toi, personnellement. Bah, chez l'autre qui joue du... C'est Monsieur Marcaille, c'est ouais. C'est Marcaille, ouais. Voilà. C'est quand même un peu une figure de la vieille scène punk et tout. Il a eu plein de projets de ouf, ce mec. Ouais. Donc, ouais, non, c'est cool. On est très content qu'il soit là. Et puis... Ah oui, alors, je voulais vous demander, c'est quoi ce nom, Misère ? Bah, c'est un constat. Non, en fait, c'est sorti d'un brainstorming, mais c'est un constat. Ouais. C'est un constat actuel. Général de... Ouais, c'est ça. Général. Et ça restait bien dans ta tête. Vous vous sentez pas misérable, vous ? Ça va encore. Ça ouais. dépend des fois. Juste, faut pas écouter les informations, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, c'est une petite coquetterie de pas mettre d'accent ? Je suis très, très à cheval sur ce genre de choses. Bah, c'est parce qu'on a extrêmement déçu. On a un DA qui est très coquet aussi. D'accord, ok. Et alors, j'ai remarqué Pierre Palmade. j'ai remarqué ça et ça m'a fait bien plaisir, en fait, parce que la tendance, plutôt, depuis quelques... 10-15 ans, c'est de rajouter des diacritiques au-dessus des lettres, des barres dans les hauts, des trémas un petit peu partout qui veulent rien dire, puis que du coup on sait pas comment que ça se prononce. Là, on dit bah, chez Misère et même sans l'accent, ça... donc vous vous simplifiez. C'est Moi, ça. Je trouve ça vachement mieux. Ah c'est bon, un merci. Côté punk, voilà, bien. Misère. Donc, ah oui, est-ce qu'on a dit le titre de votre opus ? Ça y est, j'ai non, dit opus. On n'a pas dit Stories We Tell. Voilà. Et c'est, y a, là aussi, il y a un truc derrière ce Dro titre ou pas ? On raconte des histoires. C'est voilà. C'est, ça n'a rien à voir avec votre vie. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te rattaquais sur Doglish, c'était ça, pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a un petit peu d'expérience personnelle quand même au niveau de l'écrit sur certains trucs, sur certaines idées. Mais ce n'est pas qu'un constat global, en fait. C'est, ok. Vous positionnez en témoin, en grand témoin de l'époque. C'est ça. Il y a encore un truc à passer là parce qu'il est 55. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir maintenant, puis on va se quitter en passant un titre. Et il va peut-être même être dédié à quelqu'un. Parce que Jamo, là, t'as quelqu'un qui te demandait de faire une dédicace, qui est totalement interdit à l'antenne de campus, donc on va le faire. Vu que tout à l'heure, nos gens, l'heure de le mettre, ont dit qu'on allait désobéir au règlement intérieur, c'est maintenant qu'on le fait, cette désobéissance. Elle est pour toi, Brian. Ouais, voilà. Et donc, le dernier titre qu'on va passer, ça sera, je sais pas, Butterflies, par exemple. Ouais. C'est Sipkifi. Ça parle de quoi ? Alors, Butterfly, si tu veux, c'est à la fois le sentiment que tu peux avoir amoureux, tu sais, des papillons dans le ventre. Ah oui, carrément. Ouais, ok, ça va. Mais que ça peut être aussi un coup de schlasse. C'est un peu couteau papillon, tu vois, entre le papillon et les couteaux papillons. Ah ouais, putain, tu vois. Faut choisir. Hein. Ouais, je faut choisir un peu, ouais. Écoute, moi, je vais rester soft. Entre les deux. Voici donc Butterflies par Misère. Misère, donc, merci, messieurs, de vous être déplacés dans ces contrées reculées. On vous attend ce samedi à la Griffe, en compagnie de Eastern Trade et Fantôme Josepha. Ça sera à partir de 20h, 5 euros l'entrée, organisé par Upper for Veneration. Merci, Greg, d'être venu jusqu'ici aussi. Merci, Greg. Merci, Misère, longue vie. Et puis, donc, voilà, on se quitte pour cette 383e de Pyongyang City Rockers. On se retrouve la semaine prochaine pour le 384 avec El Patron, Mika des TTH, qui nous présentera ses dernières nouveautés. Et voilà, et surtout, on n'oublie pas. Un câble. Voilà, allez. Misère, Butterflies, salut. Salut. Ouais, bonne soirée. Ciao. Ouais. wounds are salt, you with tears. I ask myself, who do you think you are? Who do you think I am? Why do you think you're writing for? The demon lives behind your eyes. Radio Campus, il est 21h.